C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. C'était la conclusion de la 46e édition du tournoi Bantam dans le secteur de Mistassini. On en parle avec le président d'honneur Dave Doucette. Salut Dave! Bonjour Danny! Dave, t'avais de l'air à aimer ça. J'ai vu passer quelques photos assez photogéniques. Merci. T'as-tu aimé ton expérience? Ben, c'est dans ma nature d'être de bonne humeur, Danny. Ouais. As-tu aimé ça? Ah oui, j'ai aimé ça. Écoute, on y va tout le temps un petit peu, on ne va pas de reculons, mais je veux dire, avant que tu dises le Louis final, puis c'est beau, j'embarque là-dedans. Puis comme j'avais dit à ma première entrevue, puis j'avais dit aux gens du comité, tant qu'à le faire, c'est ça le problème. On peut dire, ces personnes n'ont jamais de temps pour ça, mais tant qu'à le faire, moi, je suis une personne de même. Tant qu'à prendre des engagements, j'aime les faire comme il faut. Fait que, gars, au-dessus, là, le tournoi, je me suis impliqué, là, à pas mal à mon 100%. Là, j'ai appuyé le comité, là, dans toutes les heures d'ouverture du tournoi. Puis, je me suis vraiment impliqué pour voir, justement, ce que les gens peuvent ressentir. Puis, tu sais, je suis obligé de dire que, justement, après avoir vécu un tournoi comme ça, avec les gens, tous les bénévoles qui sont autour de ça, ça finit que je suis obligé de lui lever mon chapeau, là, parce que le monde, ils mettent des heures en tabarouette là-dedans. Puis, c'est pas si évident que ça. Ça paraît facile, là, quand t'es dans les estrades, tu prends ta pied, puis t'as regardé le match, là, mais toute l'organisation avant, pendant, puis là après, il est assez facile. Là, on comptabilise nos chiffres, puis tout est beau, là. Mais c'est de l'organisation, mon ami, ça. C'était-tu une nouvelle organisation? Il y avait, de mémoire, écoute, je ne voudrais pas me tromper, mais il doit y avoir deux, trois personnes là, de l'année passée qui étaient encore là. Ça prend ça un peu, on va appeler ça quasiment des vétérans, pour pas trop avoir de la misère, puis chercher, puis même, je te dirais que même si les gens de l'année passée n'étaient pas là, on en avait peut-être une, deux, trois qui étaient là de l'année passée, beaucoup de personnes, tu sais, il y a une belle collaboration des personnes qui sont pas là cette année, mais qui étaient là l'année passée, qui aident le comité à ce qu'il aille bien, puis qu'on cherche pas trop, puis qu'on perd pas notre temps personne. Là. Ça fait que là-dessus, là, je trouve que tout le monde s'entraide, là, puis c'est le fun de travailler avec ce monde-là, puis de voir comment est-ce que ça se passe. La question qui tue, il n'y avait pas de 2B cette année. Est-ce que ça a été positif ou négatif dans l'assistance? Est-ce que ça a paru? Je te dirais que pour avoir vu du double lettre, écoute, on suit nos jeunes tout le temps. C'est sûr que quand même, je te dirais que la catégorie A nous a donné du bon hockey comme du double lettre. Obligé de dire que sûrement pas. Par contre, parce que veut pas amener des jeunes de catégorie double lettre, c'est pas des jeunes de catégorie A, mais on a eu un super beau spectacle. On avait deux catégories, du B et du A. Il y a eu une game en demi-finale qui impliquait les locales, notre équipe locale, nous autres, Lac-Saint-Jean-Nord, là, dans l'or, qui a joué contre Saint-Félicien en demi, qui a donné tout un spectacle. Écoute, c'était. On s'en attendait un peu, mais ça a été. Ça a été au-delà de d'une finale. Il y a eu l'équipe locale menait 3-1. La troisième période, ils ont fait remonter ça 3-3. Il y a eu une prolongation de 10 minutes puisqu'il n'y a pas eu de but. Après ça, du shootout, puisque la dernière équipe a fini par scorer, malheureusement, Saint-Félicien. Je suis obligé de parler pour moi, là. Mais ça a fait tout un spectacle, là. Mais ça a été des belles games serrées. Les finales, soit dans le A et dans le B. Ça a fini par un point, là, des 3-2 puis des 2-1. Fait qu'on peut pas dire, tu sais, que. Non, c'est vrai, excuse, dans le P, ça a été plus facile, là, parce qu'on a eu des gagnants, là. Notre équipe locale dans le B a gagné 6-1 contre les Genois d'Alma. Fait que ça a été un petit peu plus facile. Mais dans la catégorie A, ça a été des games qui étaient très, très serrés. Ça a donné des beaux spectacles. C'est ça que le monde veut, hein. Tu sais, des 10-1, personne veut voir ça, là. C'est plate des deux bords des estrades. Mais moi, je te parle de niveau des assistances. Est-ce que ça a apparu qu'il n'y avait pas de 2B? Ah, au niveau financier, non, Danny, je pense que là-dedans, là, les équipes, gars, si t'as 13 équipes, t'as 13 équipes que le monde vient voir jouer, que t'aies du double lettre, du A ou du B, le monde vient voir le fils, vient voir le petit-fils, à un moment donné, s'il n'y a pas de double lettre, il y a du A, il y a du B, fait que non, nous autres, quand on regarde les chiffres, on les a comptabilisés un peu, on n'a pas les détails finaux, par contre... De ce qu'on a vu, c'est que les chiffres rencontrent les mêmes chiffres que l'année passée. Puis là-dessus, là, je ne vois pas jusqu'à eu un impact monétaire. Là. OK, OK. Parce que ça risque d'arriver avec le scolaire qui rentre là-dedans. Nos tournois sont pas mal menacés. Donc, ce qui risque à mener d'arriver, là, c'est, en espérant que le 2B va revenir l'année prochaine quand même, ça va mener quelque chose d'intéressant. C'est sûr que dans les dernières années, c'était 25 équipes. Aujourd'hui, cette année, on était 13. Fait que faut aller chercher de l'argent ailleurs. Là, ça, effectivement. Parce que les inscriptions ne sont pas là. Mais tu as juste un aréna qui vire, tu n'en as pas deux, puis tu n'as pas trois non plus. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens en terminant de ça? Toi, parce que... C'est une belle expérience, à vie. Moi, c'était ma première présidence d'honneur, Danny, puis j'ai bien aimé ça, comme je te disais tantôt, c'est une expérience à vivre. On ne le ferait pas toutes les semaines, OK? Par contre, j'ai adoré travailler avec l'équipe avec qui j'étais, là, le comité qui était dans l'organisation 2019 cette année. Puis, comme je te disais tantôt, je l'ai dit un petit peu en début d'entrevue, là... C'est ce qu'on retient là-dedans, c'est que des fois, ça paraît facile de dans les estrades. Par contre, ben il y a du monde qui travaille terriblement fort. C'est tout du bénévole. Puis, il n'y a pas eu chicane. Ça a super bien été. Fait que je suis content de voir que le monde il participe bien gros là-dedans puis qu'il s'entraide pour le bien du milieu. Parce qu'il y a des tournois de même, si c'est un moment donné que ça fait plus, ben il y a des impacts au niveau économique aussi. Faut que ça continue. Là. Ouais. C'est bien de voir tout ce monde-là. Juste rappeler en finale, donc les Bulldogs Saint-Félicien en catégorie Bantam ont gagné 4-3 contre les Épaviers de l'Action-Jean-Nord. Donc, c'était très serré, Dave, dans ce match-là? Oui, ça, c'était à la demi-finale. Écoute, on a gagné 4-3 en demi-finale contre justement l'équipe locale. Par contre, la finale, ils ont joué contre le Bleu et Or. Puis, ils ont gagné par un but aussi. Ça a été très, très, très serré. Mais, comme je te disais, la demi qui a fait 10 minutes de prolongation à 4-4, plus des lancers d'un tir de barrage, là, c'est le fun des estrades. Là. Moi, je faisais partie de ce monde-là, puis ça met, ça met l'ambiance. Là. Et les Castors de Dolbeau ont défait les Genois d'Alma 6-1 en finale du Bantam B. Ben, Dave Doucette, merci beaucoup de ta collaboration, fort apprécié. Ben, dis un gars, pour un gars qui a jamais parlé à la radio, je trouve que t'es très bon. Un gros merci, puis au plaisir de se parler dans une autre implication pour toi. On est plein de talent, tu vas apprendre à me connaître, mon Danny. Oui, okay? Dave Doucette, le président de la 46e édition du tournoi Bantam dans le secteur de 2016.